Alors bonsoir et bienvenue au Centre d'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle tout d'abord le spécial de la soirée, c'est-à-dire qu'à l'achat ce soir de votre billet pour la prochaine conférence de Daniel, vous pouvez avoir gratuitement l'une ou l'autre des cassettes qui sont sur la liste des conférences enregistrées par Daniel. Et que sa prochaine conférence, donc vendredi prochain à 20h, aura pour titre « Pourquoi vieillissons-nous ?». Mercredi prochain, il y aura une soirée d'information sur le PMC. Programme Maître Contrôleur, donné par Daniel Kemp. Donc, soirée d'information gratuite pour les personnes intéressées, ça débute à 19h30. Donc, les gens qui veulent y participer sont priés de réserver à l'avance auprès de Mario Gosselin. Dimanche à 13h30, là, c'est un message qui s'adresse aux gens qui ont déjà suivi le programme Maître Contrôleur. Dimanche à 13h30, il y aura une conférence spéciale du mois. Donc, ceci est réservé aux élèves du programme Maître Contrôleur. Et il me reste maintenant à accueillir celui que l'on attend impatiemment, que l'on a surnommé le précurseur de l'homme nouveau, une personne qui vient ici avec des idées neuves pour nous brasser les neurones, Monsieur Daniel Kemp. Daniel, j'ai vu que le titre de la conférence ce soir, c'était donc la naissance chez vous de l'homme nouveau. Est-ce qu'il s'agit d'un accouchement? Et est-ce que cet accouchement-là va se faire dans la douleur? On a déjà parlé ensemble du fait que moi, je m'étais mis au monde, moi-même. Et du fait aussi que chaque être humain devait un jour arriver à se remettre au monde lui-même. On a déjà aussi parlé que c'est lorsque l'on était vivant qu'on arrivait à se sortir de nos problèmes et ce n'était pas dans le monde des morts. J'ai souvent expliqué qu'une personne vivante, si elle ignorait quelque chose, une fois morte, elle l'ignorait toujours. Ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on devient plus brillant que lorsque l'on était vivant. Ce qui fait que le contact avec le monde des morts, le contact avec les personnes disparues, ne peut pas nous aider à nous en sortir. L'être humain est vivant et les personnes qui font partie du monde des morts recherchent le contact avec les vivants. Maintenant, c'est les morts qui ont besoin de cette apparence de contact. Ça ne sert jamais l'être humain vivant. Se remettre au monde ou se mettre au monde consciemment, intelligemment, si on regarde encore l'antique religion catholique qui nous relate certaines paroles du Nazaréen, celui qui ne renaît pas. Alors évidemment, il y a un apôtre qui lui demande, est-ce que je dois re-rentrer dans le ventre de ma mère pour ressortir? Non, pauvre cave. C'est pas ça que ça veut dire. Alors donc, lorsque moi je dis aussi qu'on doit se mettre au monde, ben, cela ne veut pas dire mourir pour renaître, dans le sens biologique du terme. Cela veut dire être conscient de ce que l'on fait et être capable d'accepter. C'est quoi se mettre au monde? C'est comme l'enfant qui doit naître. Il se met au monde s'il se laisse naître. Et s'il résiste, on le met au monde. Il ne se met pas au monde. Mais ça peut retarder un peu l'heure de sa sortie, peut-être de quelques secondes, de quelques minutes. Évidemment, l'enfant dans l'utérus de la mère ne résiste pas parce qu'il n'a pas la conscience de la lutte. Pas encore. Mais s'il aurait la conscience de la lutte, s'il déciderait de résister, alors il faudrait le mettre au monde. On appellerait ça une césarienne. Et il y a une grande partie de l'humanité qui va être mise au monde de force. Pour eux, ça va être souffrant parce que si tu ne veux pas accepter la transformation qui te change, elle te change quand même. Et à un moment donné, il n'y aura que la tête de l'homme ancien qui voudra rester homme ancien. Et tout le reste, la société, son corps, tous ses plans seront typiquement reliés à l'homme nouveau, sauf son ego, sauf l'identification. Un peu comme lorsqu'une personne devient ce que nous pouvons appeler âgée, et qu'elle décide de remettre sa vieille casquette qu'elle avait il y a 30 ans, qu'elle garde les mêmes souliers, les mêmes vêtements qu'en 1930. Alors, elle se rhabille avec la mode qu'elle a connue lorsqu'elle se sentait jeune. Elle est transformée, elle est rendue une autre personne, mais elle refuse obstinément de rester ou de devenir cette nouvelle personne. Elle veut revivre ce qu'elle a déjà été. Alors, il ne s'agit pas, dans cette naissance-là, simplement de retourner dans une mémoire ou dans un temps, dans une forme d'inconscience, bien au contraire, il s'agit d'en sortir. Dans cet accouchement, et il y a certainement un cordon ombilical à couper quelque part, il représenterait quoi symboliquement ce cordon? Bon, le cordon ombilical, ce qui relie l'enfant à la mère et ce qui aussi permet à l'enfant d'être nourri tant qu'il reste assujetti biologiquement à la mère. Le cordon ombilical, biologiquement, n'est pas un problème tant que l'enfant n'est pas accouché. Tant que l'enfant est dans le ventre de la mère, le cordon ombilical est nécessaire. C'est lorsque l'enfant a été mis au monde que le cordon ombilical devient qu'on doit le sectionner. Pour deux raisons. Parce que, premièrement, on doit obliger l'enfant à respirer de par lui-même. Alors, tandis que le cordon était relié à l'enfant et à la mère, évidemment, c'est le sang de la mère qui vient oxygéner le corps de l'enfant. Donc, on doit obliger l'enfant à respirer. Lorsque l'enfant commence à respirer, il y a des mécanismes biologiques qui vont faire en sorte que le cordon va devenir inutile. Le cordon va donc sécher. Il va même pourrir. Alors, évidemment, le cordon devient un problème médical. Alors, évidemment, on le sectionne. Autre chose, comme après tout ce qui accouche, lorsque l'enfant est venu, à la suite de l'enfant, il y a ce que l'on connaît comme la suite, le placenta. Et c'est justement après ce placenta que le cordon est relié. Alors, lorsque l'enfant est venu au monde, le placenta se décolle et lui aussi va être éjecté et ça ne peut plus nourrir l'enfant. Alors, l'enfant qui vient de naître se doit de respirer. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, on tapochait l'enfant pour le forcer à brailler. Mais on s'est rendu compte qu'il pouvait aussi respirer sans brailler. Alors, on bûche un peu moins. Ça veut dire que l'homme nouveau, donc, n'est plus alimenté par les sources traditionnelles, donc de la tradition elle-même, du passé, de la mémoire, etc. Le cordon ombilical, c'est la société. On fait un parallèle entre l'accouchement et on fait un parallèle entre, disons, la renaissance de l'homme. Maintenant, les parallèles sont toujours dangereux, ils permettent d'expliquer certaines choses, mais on ne peut pas non plus aller à l'extrême. Or, la société pourrait être le cordon ombilical, c'est-à-dire que l'être humain qui devient nouveau parce qu'il est dans un cadre particulier qui lui permet une naissance, et ce cadre, c'est la société. Maintenant, cette société, elle permet à l'humain d'avancer, elle permet à l'humain de se développer jusqu'à un point où elle va nuire à l'humain. Et c'est là que l'humain doit se déconnecter. Se déconnecter de la société ne veut pas dire quitter la société. Cela veut dire qu'au niveau de la conscience, on doit maintenant s'assumer, comme l'enfant doit s'assumer au niveau de la respiration. Lorsque nous parlons d'inspiration, je fais encore des parallèles spirituels. Ce n'est pas tout à fait cela. Je fais un parallèle, je précise. Un autre conférencier pourrait dire c'est similaire, tellement ça pourrait être proche et tellement ça paraît beau. Lorsque l'enfant vient au monde, on doit le forcer à respirer. Et lorsque l'on réfléchit, on a l'inspiration. Lorsque l'on parle d'intuition, d'inspiration, on parle aussi d'énergie supramentale, de contact avec un savoir instantané. Lorsque l'enfant vient au monde, on lui coupe le cordon ombilical pour qu'il assume lui-même sa respiration. Donc, pour qu'il assure lui-même l'inspiration, la gestion et l'expiration. Pour qu'il assure lui-même le contact avec l'air, la transmutation intérieure à lui et l'expression par la suite d'une expiration. Au niveau de la naissance de l'homme nouveau, au niveau du contact supramental, c'est-à-dire au niveau du désassujettissement de la conscience collective d'un individu pour que celui-ci devienne un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau, il doit évidemment être capable d'assumer son propre contact avec son propre esprit. Cela veut dire qu'il doit se couper de la conscience collective et se coupant de celle-ci, il apprend à respirer. Il apprend à respirer, non pas de l'oxygène, il apprend à inspirer. Il apprend à avoir des inspirations qu'il sera assumé. Donc, il apprend à être dans sa propre intelligence. Évidemment, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux, mais ce n'est pas douloureux. Plus l'enfant dans le ventre de la mère va résister à l'accouchement, plus ça va être douloureux. Et il y a autre chose, plus la mère va résister à l'accouchement, plus ça va être douloureux pour elle. Plus la société va résister à la naissance des hommes nouveaux, plus la société va en pâtir. Lorsque nous reprenons l'exemple d'une classe à l'école, le professeur a 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants nouveaux dans sa classe. Et lorsqu'un de ses enfants décide simplement de le zioter, de le regarder, avec un air presque sans égo. Autrement dit, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous regarde, qui n'a pas l'air dans la lune, mais quand vous le regardez, vous n'avez pas l'impression d'arriver à le regarder. Bon, c'est ça. Vous regardez quelque chose qui n'a presque pas d'égo. Il n'y a pas de miroir. Alors, vous ne pouvez pas vous voir. Vous regardez ses yeux et on dirait que vous voyez rien ou le néant. Puis lui continue à vous fixer. Normalement, chez l'homme ancien, ça crée la peur. Et le professeur ancien va résister à ça. Il va interdire l'enfant. Il ne voudra pas que l'enfant le regarde. Il va avoir peur. Et évidemment, l'enfant va agir d'une façon très manipulatrice. L'enfant peut être drôlement manipulateur parce que c'est un enfant nouveau. Il n'a pas encore appris à s'ajuster. Et le professeur va en souffrir. Il devra l'expulser de la classe, il devra crier après, il devra faire des choses qui ne toucheront pas l'enfant comme normalement ça devrait toucher l'enfant. Ce qui fait qu'encore une fois, le professeur a des problèmes. C'est la même chose pour les parents face aux enfants nouveaux. La société, lorsqu'elle refuse la naissance d'un enfant nouveau, elle va en pâtir. L'homme nouveau est un être qui fonctionne par intelligence, sauf que l'homme nouveau part de l'homme ancien et dans le cœur de l'homme ancien naît ce que l'homme ancien a toujours cherché. L'homme nouveau. Mais pour que cet homme nouveau soit totalement exprimé, il passe par la phase de naissance, d'enfance, d'adolescence. C'est la période de l'homme transitif. Évidemment, je parle toujours de l'homme, de la femme et de l'enfant. Bon. C'est la période de l'homme transitif. Et cette période transitive permet à l'humain de voir mieux et de ne pas voir assez, ce qui peut rendre certains hommes transitifs extrêmement violents. Par exemple, vous allez avoir un homme qui, dans une église, à un moment donné, découvre qu'il n'a pas sa place dans l'église. En plein milieu de la messe, il se lève et quelqu'un lui dit « Mais non, reste assis ici. » Il est capable de crier dans l'église. « Lâche-moi, je sors. » Ça dérange tout le monde. « Bon. » Tavin qui n'a pas me retenir, il a décidé qu'il sortait. Il est dans une vibration qu'il ne peut pas contrôler, mais il ne peut pas rester. Alors il sort. Et là, on va sortir après lui. On va dire « Mais c'est stupide, t'aurais pu ça. » Il y a quelque chose chez lui là, qui le fait bouillonner, une espèce de colère mentale qu'il ne peut pas comprendre. C'est l'homme transitif et là, laissez-le en paix. Parce que vous pouvez manger des coups. Il peut se passer bien les choses. Regarde, après certains séminaires, on a des personnes, justement, séminaires que moi je donne ou que d'autres donnent, que d'autres, pas beaucoup d'autres, des séminaires où l'énergétiquement, ça augmente. La personne qui finit le séminaire est dans un niveau énergétique tellement plus haut qu'elle peut être dans cette phase transitive où elle peut envisager des solutions ou des actes. Et d'ailleurs, moi, dans mes séminaires, je dis bien aux personnes de ne pas prendre de décision avant un mois. Parce que s'ils prennent une décision après le séminaire, un mois après, ils ne sauront plus pourquoi ils l'ont pris. Parce que leur niveau de conscience aura lentement, tend à revenir à ce qui est propre à eux, quoiqu'il est un petit peu plus haut. Mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'ils sortent d'un séminaire. Alors, il y a quelque chose, à un moment donné, qui te fait faire des choses apparemment inintelligente, mais intelligente, dans lequel tu te sens bien si tu les fais, mais tu ne peux pas en comprendre l'intelligence. Alors, évidemment, l'homme nouveau ne rentrera pas dans une banque faire un vol de banque. Il ne sera pas manipulé à faire quelque chose comme ça. Il va être en train de déposer son chèque, par exemple, puis là, prenons la cité sociale, dépose son chèque, et en même temps qu'il dépose, il y a une vibration qui lui dit « Je suis tanné d'être... Je suis tanné, j'ai rien. » Tu sais, des petits chèques de 100, 150 $ c'est... Là, il a l'impression, à un moment donné, de ne pas être à sa place avec ce budget. Il a l'impression. À un moment donné, il se regarde dans le miroir puis il se trouve pas laid. Il regarde son linge. Puis là, encore là, une fois, merde, là, il groche ça tout le linge. Il n'en veut plus. Puis il en a besoin. Mais c'est pas ça. Il va voir des magasins, il n'en trouve pas. Parce qu'il regarde encore les mêmes maudits modèles. Non, ce sont des modèles énergétiquement reliés à la conscience de l'homme ancien. Étant donné qu'il est un être transitif, vibratoirement, il ne va plus avec. Alors ça l'enrage. La jeunesse, elle va, l'exemple de l'adolescence, n'étant pas capable dans notre société d'instaurer du neuf, alors elle instaure du neuf, du vieux à neuvé, tu sais, du vieux qu'on essaie de... On prend une vieille coupe de cheveux comme on avait là 300 ans, sauf qu'on la colore avec des produits chimiques nouveaux. Bon, alors la jeunesse, on la voit habillée avec des coupes de cheveux bizarres, avec du linge tout déchiré, mais du linge propre. Alors, avant, on avait du linge déchiré et troué, tout ça, et qui puait. Aujourd'hui, ils ont du linge déchiré, qu'on vend même déchiré parce que c'est ce qu'ils veulent, mais ils ne puent pas. Tout ça sont des changements superficiels au départ, là, qui vont avec l'homme transitif. Il y a certainement des changements bien plus profonds qui correspondent à son niveau de conscience par la suite. Y a-t-il une autre étape, là? Bon. Prenons l'exemple typique d'un homme ancien qui devient transitif et qui finalise l'être-té nouvelle. À travers ce que je vais expliquer, plusieurs d'entre vous allez vous retrouver. Sans doute, tous, vous allez vous retrouver, mais pas nécessairement dans toutes les étapes. Bon. Alors, l'homme ancien. Femme, homme ou enfant. Homme humain. L'homme ancien, il a un but dans la vie. Un but qui est un but collectif. Soit qu'il veut avoir une famille et des enfants, soit qu'il veut aller à l'école, aller à l'université, réussir une carrière, etc. Être pilote d'avion, être policier, être médecin, être même religieux, être quelque chose. Puis la retraite en 2014. Oui. Sinon, avant. Celui qui il peut aussi vouloir simplement travailler pour le gouvernement fédéral, c'est-à-dire être sur l'assistance sociale. Il peut. C'est pas grave. Il a une idée que lui, bon, moi, je ne fais rien. Moi, je vais en faire. Mieux, ça va être. Bon, c'est la même chose. Et il s'intéresse, ça va de soi, parce qu'on ne devient pas transitif si on ne s'intéresse pas à quoi que ce soit d'évolution. Bon. Il s'intéresse soit à la science, à l'ordinateur, par exemple. Peut-être la science sociale. Peut avoir un ordinateur chez lui, puis là, s'amuser à faire les programmes. Il s'intéresse à quelque chose d'amélioratif. Donc, il y a chez lui quelque chose qui le force à exprimer du neuf, adapter du vieux pour apparemment faire du neuf. Ou bien il va être un artiste. Ou bien il va être intéressé par la médecine. Ou bien il va être intéressé par l'ésotérisme, les sciences occultes. Dans le début, il va se faire tirer aux cartes pour connaître son avenir. Et puis, à un moment donné, il se rend compte que si je connais mon avenir, c'est pourquoi? C'est parce que j'aimerais pouvoir la changer. Si je veux la changer, c'est que l'avenir est instable. Si l'avenir est instable, je ne peux pas connaître mon avenir vu qu'elle bouge tout seul. Autrement dit, si je n'ai pas de destinée, parce que je peux le changer. Si j'ai une destinée, je ne peux pas la changer. Si j'ai une destinée, je vais connaître l'avenir, ce qu'on me dit, et c'est ça qui va arriver. Alors à quoi ça me sert de savoir vu que je ne peux rien changer? Mais si je peux le changer, c'est qu'il n'y a pas de destinée. S'il n'y a pas de destinée, le tireur de cartes ne peut pas me dire ma destinée vu qu'il n'y en a pas. Bon, alors la personne, elle commence à avoir comme un doute dans l'occulte. Au niveau des sciences occultes, elle dort, à un moment donné, dans ses rêves, soudain, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient frapper à sa porte. Quelqu'un qui vient lui parler, où elle fait un rêve merveilleux, où elle voit une société nouvelle. Ça peut être sur une autre planète avec des dômes de cristal, ça peut être la société atlantéenne, ça peut être... Elle fait des rêves. Elle peut aussi, simplement, dans un rêve, rencontrer quelqu'un qui vient lui dire qu'elle, elle est plus évoluée que les autres. Elle est merveilleuse, elle est parfaite, elle est ceci, elle est cela. Alors, à un moment donné, cette personne, elle allait à la religion parce que, bon, elle était collective, on l'a instruite à aller à la religion. Souvent, si c'est des personnes de mon âge, elles ont été jeunes, obligées d'aller à l'église pendant que les parents n'y allaient pas. Si c'est un peu plus âgé, ben normalement, les parents y allaient avec eux. Bon. Et puis, plus jeunes que ça, ben normalement, ils vont plus. Bon. À un moment donné, elle lit des livres. Elle tombe sur des livres comme « Le troisième œil de l'homme, ça ne me rend pas ». Elle tombe sur des livres de différents, d'Alan Kardec, de différents auteurs. Papus, c'est ces choses-là. Jonathan Livingston Le Goéland. Puis là, ça la frappe. Là, ça la frappe parce qu'elle a l'impression que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que la science ne connaît pas. Alors, automatiquement, étant toujours dualiste, elle va diviser les choses en deux. Il y a ceux qui sont imbéciles, qui pensent tout savoir, et puis il y a les sciences ésotériques ou les sciences occultes, et c'est ça qu'il faut étudier. Alors, suite à cela, elle voudra soit connaître l'ordre rosicrucien, soit rentrer dans différentes écoles ou suivre des cours à certaines places, ou simplement connaître un libraire ésotérique pour commencer à aller jaser avec lui. Alors, à un moment donné, elle devient un peu sensue d'une librairie ésotérique, où elle va souvent pour pouvoir discuter, jaser. Alors, on parle. Bon. Elle peut simplement aussi acheter quelques livres, s'abonner à la collection de Robert Laffont avec tout le paquet de livres noirs qui ne sert à rien. Bon, elle met ça dans sa bibliothèque. Et puis là, elle lit et ça l'intéresse de plus en plus. On parle de réincarnation. Elle accepte lentement l'idée. Pas nécessairement, mais en tout cas, je donne un exemple d'un prototype type. Elle accepte l'idée de la réincarnation sans nécessairement comprendre des mécanismes, mais elle accepte l'intelligence collective des explications de la réincarnation. Et elle commence à parler que Dieu, c'est peut-être pas Dieu comme on le connaît, c'est peut-être quelque chose de plus vaste, de plus grandiose, que l'humain est peut-être aussi un Dieu, que l'humain est peut-être inexprimé, que l'humain a peut-être une puissance qu'il ne connaît pas, mais qu'il doit justement trouver, que l'humain a peut-être un rôle sur la planète Terre ou un rôle cosmique qu'il ne connaît pas, mais il y en a peut-être un. C'est pas parce qu'il ne le connaît pas qu'il n'y en a pas. Bon. Lentement, cette personne discute avec d'autres. Elle veut rencontrer d'autres personnes pour en parler. De deux choses l'une, ou bien elle ne trouve personne dans ses amis qui veulent en parler, ou bien elle en trouve quelques-unes et elle se forme un petit clan. Et puis là, elle exclut les autres. Ou bien elle devient une autre personne malheureuse qui ne peut pas en parler à son mari, ou à sa femme, ou à ses amis, ou à son professeur, ou etc., parce que les autres sont... Bon. À un moment donné, évidemment, on passe par l'intérêt des ovnis. On veut savoir s'il y a des extraterrestres. On veut savoir des choses là-dessus. Et puis au fur et à mesure que ça va aller, on a soudain l'impression qu'on comprend. Là, on est rendu dans la période de l'homme transitif. On comprend, mais on comprend quoi? Ça, on ne le sait pas. Mais on a l'impression soudain, et ça, cette impression-là va revenir souvent, qu'on vient de faire éclater la bulle de l'ignorance et que maintenant, on sait tout. Maintenant, on sait comment ça va marcher, la vie. Maintenant, on sait comment on va régler nos affaires. Maintenant, on sait comment on va s'organiser. Et puis, 6 mois après, on se rend compte que la vie veut... On dirait que la vie ne veut pas qu'on s'en sorte. Parce que ça marche pas mieux. Sauf que tes chums te gueulent plus après. Ta femme, ton mari ou tes enfants, si t'es, ou tes chums, tes jeunes amis, si toi, tu es jeune. Ça marche plus. tu changes les romans que tu lisais, tu as changé des choses, mais on dirait que maintenant que tu sais apparemment plus, ça commence à aller apparemment plus mal. Bon, ça c'est normalement ce qui s'arrive à l'homme transitif. Alors, tu élabores des concepts de ce que ce devrait être, toi. Non-violence, pacifique, je ne peux plus chialer. Pourquoi je suis toujours en train d'être manipulé par tout ce qui arrive à l'extérieur? J'aimerais ça pouvoir simplement accepter les choses telles qu'elles sont. S'il pleut, ben qu'il pleuve. Si j'ai une crevaison, que j'aille une crevaison. Et puis, on dirait soudainement que plus je veux être pacifique, plus je deviens rapidement colérique. Plus je deviens susceptible. Alors là, l'évolution commence à me peser lourd. Mais quand on commence, on ne peut plus revenir. La personne qui veut prendre un break, elle dort. Pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et au beau milieu de la nuit, à un moment donné, ça va recommencer. Elle devra recommencer son évolution. Ou poursuivre. Alors, on dirait que tout va bien, et en même temps, on dirait que la digestion commence à se faire mal. Je comprends ça, ça, ça, ça. Après, la sensation libératrice que là, ça y est, là, tout est clair. Puis on dirait que le tout est clair se ternit lentement, sombre agit lentement, puis il se passe quelque chose. Qui fait qu'à un moment donné, pourtant, tout était clair les 2 semaines, tu sais, puis là, je comprends plus rien. Là, je suis perdu. Capote. C'est normal chez l'homme transitif, parce que l'homme transitif ignore une chose. C'est qu'il y a un mécanisme à l'échelle de la planète qui porte le nom de ciel dans lequel va être mémorisé tous les égrégores religieux, tous les égrégores nationaux, tous les égrégores sociaux, tous les égrégores moraux. Et ce ciel porte le nom ésotérique d'astral planétaire. Et l'astral est la force d'involution planétaire, même si elle a tellement peu d'intelligence que chaque fois qu'elle travaille, elle travaille contre elle, donc permettant l'évolution de l'humain, elle fait tout pour le retenir. Alors l'humain qui, à un moment donné, a passé sa vie assujetti au mystère ou aux forces astrales, lorsque l'humain décide ou lorsque l'humain devient transitif, il essaie de générer chez lui une énergie nouvelle, l'énergie mentale, et ce qu'il ne sait pas, c'est que les plans astraux vont tout faire pour que ça ne marche pas, vont tout faire pour récupérer cet humain-là. Et ça, l'humain ne le sait pas, et c'est contre ça que l'humain va devoir lutter à son insu ou à son su, mais il devra évidemment l'affronter. La première force astrale que l'humain devra affronter, c'est la correspondance planétaire chez lui. Ce qui, chez lui, le met en relation émotive, en relation attractive, en relation manipulatrice avec l'extérieur. La personne, elle est calme, elle est assise, elle a décidé de suivre des cours de méditation, elle est en méditation. Soudainement, le vent pousse lentement à la porte. Et la porte accélère, et claque, et pouf! Et puis là, la méditation, t'es pire que si t'aurais pas médité. Alors là, évidemment, là, c'est la maudite porte. C'est ça. Il y a quelque chose chez toi qui maintenant te met en affinité, avec plus en affinité qu'avant, avec tout ce qui arrive, tu deviens sensible. Quand ce n'est pas hypersensible. Étant sensible ou hypersensible, la personne devient hyper manipulable. Alors, évidemment, elle a des maudits problèmes. À un moment donné, elle a l'impression que tout lui arrive. 2 choses. Elle voit plus ce qui lui arrive, ce qui augmente évidemment le quota de ce qui lui arrive dans sa conscience. Et effectivement, il lui arrive plus de merde. Celui qui évolue vers l'homme nouveau, l'être transitif, à un moment donné, apprend à souffrir. Il apprend à souffrir comme il n'a jamais souffert parce qu'il doit devenir un être qui sera écœuré d'être écœuré de souffrir. Cela va l'obliger à développer un phénomène mental suffisamment puissant pour pouvoir légiférer, pour pouvoir devenir prescient, pour pouvoir connaître, pour connaître, comprendre. Mais ça, l'être transitif ne le sait pas. Alors, il commence à dormir de moins en moins bien. Il commence à dormir en rêvant des rêves débiles ou des rêves hautement spirituels ou plus rêver du tout. Celui qui ne rêvait pas commence à rêver, c'est-à-dire à s'en rappeler. Celui qui s'en rappelait, s'en rappelle plus. Il y a des choses qui chambardent. La personne se réveille à 5 heures, se réveille à 6 heures, se réveille, elle a de la misère à dormir, elle pense toujours ou on vient penser dans sa tête. Elle se couche là. Pourquoi je suis ici? Pas le temps de poser une question de même à 11 heures quand on veut dormir. Alors, à 1h, 2h du matin, elle dort toujours pas, puis ça marche plus. Elle commence à avoir des problèmes digestifs. En même temps, elle décide de foncer dans la vie, ce qui lui amène un stress psychologique qui va lui amener problèmes stomacales, problèmes coronariens, cardiaques, des problèmes de gestion physique. Elle décide à un moment donné d'être végétarienne, après avoir lutté contre sa famille, elle devra lutter contre les végétaux. Elle devra trouver des recettes qui vont lui plaire au goût. Elle devra trouver une nourriture macrobiotique, sinon elle n'aura pas suffisamment de protéines. Elle devra s'instruire, ça devient compliqué. Et puis, il y a toujours la maudite question, qu'est-ce que je fais ici? C'est beau d'être végétarien, mais je suis pas venu ici pour bouffer des plantes. Alors la personne commence à vivre un petit peu la souffrance mentale. La souffrance mentale, c'est la compréhension mentale de l'illogisme de ce qui nous arrive. La souffrance mentale, c'est la compréhension mentale de l'imbécilité de notre vie. Quand ça fait 10 ans que tu vois l'intelligence d'être libéré matériellement puis que tu es toujours pogné dans la matière, le mental vibre en lutte contre l'ego. Et ça devient ce qu'on appelle une souffrance mentale. Lorsqu'une personne veut se conscientiser, veut devenir de plus en plus ajustée à l'écologie planétaire, et qu'elle a, à un moment donné, une douleur à la poitrine, bien, elle trouve ça con. C'est la souffrance mentale. Je ne parle pas de l'être ancien qui trouve ça con parce qu'il fait mal. Je parle de l'être transitif qui trouve ça con. Il se fout que ça lui fasse mal. C'est qu'il se dit simplement, c'est-tu débile? C'est inutile que j'ai un problème cardiaque. C'est inutile. Je sais que je dois entretenir ma santé. Je sais ceci, je sais cela. Je n'ai pas le temps de tout faire, mais je sais. Puis je n'ai pas besoin de ça pour apprendre. Je le sais. Laissez-moi juste le temps. On va le faire. Laissez-moi le temps. Laissez-moi encore 5 ans, 6 ans. Et à un moment donné, digère mal. Transpire à rien. Dors plus. Perds le feeling de travailler. Plus capable d'avoir dans sa tête assez d'énergie pour pouvoir se lever le derrière, se lever et faire quelque chose. L'enfant, plus rien, ça va à l'école. Plus rien. Les parents, on va le punir. Punissez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il rentre à l'école, là, il arrive en retard, le prof l'engueule. Puis après, bon là, le prof, c'est plus quoi dire, parce que ça, c'est typique de l'enfant transitif. Tu vas couler, tu vas ci, tu vas ça. Puis après, c'est toutes tes affaires. Prof, qu'est-ce que vous voulez qu'un prof dise? Rien, parce qu'il n'est pas ajusté. L'enfant s'écrase, l'enfant, bon, mais c'est le même phénomène. Et ça, avec, ça fait partie de la transition vers l'homme nouveau. Est-ce que tous vont vivre ça? Pas nécessairement. Je donne un gros, gros, gros prototype de la naissance de l'homme nouveau chez vous. Ça, évidemment, pour qui tout va bien encore, pas de problème. Vous êtes encore dans la partie où tout va bien, mais à un moment donné, vous allez vivre une partie où vous allez tout devrait aller bien, mais tout n'ira pas bien. Et le problème, c'est que celui qui commence à comprendre se pose une question. Une réponse tend à naître chez lui ou bien on lui envoie l'exorciste de l'évolution, celui qui va prendre l'évolution chez lui et la mettre à l'extérieur. On lui envoie un être spirituel, un guide, un maître ou un gourou. Un faiseur d'involution, un stagnateur. Et celui-là va donner la réponse à la personne pour qu'elle se sente bien. C'est le psychologue, il va dire, ben oui, c'est normal. Si c'est un prêtre, ben, les voies de Dieu sont impénétrables. Ou bien on va lui expliquer un petit peu que là, c'est normal à cause, etc. On va faire les 3 ou 4 couplets de la Bible, puis on va le mettre à terre. Bon, on va dire, c'est correct. Si c'est un professeur d'ésotérisme, si c'est un n'importe quoi, il va donner des réponses. Et là, la personne, pas ses réponses, elle les prend, puis ça va pas pire. Sachez une chose, c'est que n'importe quel être qui commence à transiter vers l'homme nouveau, ça va très bien, ça va très mal, ça va très bien, ça va très mal, ça va très bien, ça va très mal. Savez-vous pourquoi ça va très bien, ça va très mal? C'est que quand ça va très mal, vous commencez à grouiller. Quand ça va très mal, vous commencez à en avoir assez. Quand ça va très mal, vous braillez, mais mentalement. Vous êtes prêt à tout casser, mais ce n'est pas une colère émotive. Quand ça va mal, vous finissez par en avoir par-dessus la tête. Et quand ça va mal, vous êtes prêt de détruire tout ce qui vous empêche de comprendre. Alors, ce qui vous empêche de comprendre vous donne un break, vous donne des petits gâteaux, puis là, ça recommence à bien aller. Fait que là, vous repensez que, ah bon, là maintenant, vous comprenez. Ouais, jusqu'à temps qu'on vous redescende encore dans le trou. Parce que quand vous allez bien, vous êtes capable d'apprendre. On ne veut pas que vous appreniez. Qui? La conscience collective. L'astral planétaire. Vous, écoutez, ceux qui, pour l'instant... Mais appelons l'astral pour l'instant, c'est mieux. C'est moins astralisé. Bon. Alors, à un moment donné, tout ressemble à aller bien. Là, j'avais une fille. Là, j'ai coupé avec. J'ai sacré la fille-là, etc. Oh, ouais. Non, t'as pas sacré la fille-là. Parce que quand t'étais en train de paniquer, même chose pour la femme, elle a sacré le gars-là. Non, non. Les deux marchent pas. Puis les deux veulent s'en aller. Puis les deux s'en vont pas. Ils peuvent pas s'en aller. Ils sont collés. On les manipule pour qu'ils restent ensemble. Quand les deux pensent à se suicider ou à se tuer l'un l'autre, ou quand les deux deviennent suffisamment dangereusement écœurés pour briser des chaînes, ben là, on leur permet de plus souffrir l'un l'autre puis de pouvoir se séparer. Alors, les deux ont l'impression, ou celui qui transite a l'impression, que là, c'est lui, là, il vient d'apprendre, là, il vient de passer une nouvelle étape, c'est lui qui a décidé. Il n'a pas décidé. Ce qui l'obligeait à rester avec l'autre, psychologiquement, émotivement, astralement, a été déconnecté pour qu'il puisse s'en aller. Alors là, il est sûr qu'il est correct. Première femme, premier gars qu'il rencontre, bien, il recommence. Mais là, il sait, là, il se trompe pas, là, celle-là ou celui-là, là, lui, je le sais, il ne trompe pas. 4 mois après, dans merde, encore pogné en bas. Puis là, ce coup-là, il sait. Bon, c'est la même chose. Financièrement, j'ai investi ce coup-là, je le sais. Ça tombe dans le trou, hein? Bon. Là, ça va plus. Là, t'en as marre. Là, on te présente de quoi? Là, t'étudies ça. Ah oui, là, c'est ma chance. Là! Puis 6-7 mois après, t'es encore dans le trou. On te présente encore quelque chose. Là, c'est ça. Là, on s'en va comme ça, là. Évolution ondulatoire. L'humain peut dire « Oui, mais à chaque crête, je suis un peu plus haut. » Oui. À chaque crête, t'es un peu plus haut, puis à chaque crête, t'es un peu plus bas. C'est vrai. Parce que il se trouve que aussi bien vous êtes, aussi mal vous allez être. Et ça, ceux qui l'ont pas encore vécu, vous allez le vivre. Autre problème astralisant qui empêche l'être transitif de fonctionner convenablement et en même temps ce qui le pousse à fonctionner plus rapidement. C'est que normalement, il est toujours à vivre avec quelqu'un qui est là pour l'empêcher de fonctionner. Si c'est la femme qui devient transitive, le mari l'écrase, le mari comprend rien. Si c'est le mari qui devient transitif, la femme l'écrase, la femme comprend rien. Et l'humain transitif, présentement, astralement parlant, est toujours connecté avec quelqu'un qui va vouloir tout faire pour le garder à terre. Est-ce que la solution, c'est la séparation? Absolument pas. Dans quelques rares cas, peut-être, ça vous regarde. Mais pas dans la majorité des cas. Parce que, justement, l'être humain qui est en transition doit apprendre. Non pas à mettre le taureau, à tuer le taureau, mais il doit apprendre simplement à contrôler le taureau de façon à ce que le taureau ne puisse plus rien y faire. Alors, la moitié, la personne avec qui l'on vit, normalement, astralement parlant, évolutivement, cosmiquement parlant, elle va nuire. Et si cette personne n'est plus capable de vous manipuler tout en restant là, cette personne n'est plus capable de vous rendre malheureux, cette personne n'est plus capable de vous faire chier, cette personne n'est plus capable de rien faire chez vous, puis qu'elle reste là, vous êtes un homme nouveau. Lorsque plus un seul humain, plus un seul rêve, plus une seule question n'est capable de vous manipuler, de vous hanter, de vous déformer, de vous bloquer, vous êtes un homme nouveau. Mais il y a celui ou celle qui veut plagier l'homme nouveau et qui s'en va dans un monastère ou qui s'en va dans un petit recoin tout seul, qui se loue un petit logement tout seul. Il n'y a plus personne qui la dérange parce qu'il n'y a plus personne pour la déranger. C'est pas ça. Se recueillir de temps en temps dans la forêt, c'est bon. Plus être capable de revenir, c'est plus bon. À un moment donné, l'homme transitif, donc ce qui naît chez vous, fait en sorte, à un moment donné, vous allez comprendre. Et après, vous ne comprenez plus. Et après, vous comprenez. Et après, vous ne comprenez plus. Et il y a des dangers, il y a des pièges. Il y a des personnes, tout à l'heure, je parlais avec un de mes amis, qui me disait que elle avait un lot de cassettes de conférences qu'elle a prêté à quelqu'un. Mais la personne qui écoutait les cassettes, elle en voulait de plus en plus des cassettes. Elle n'allait pas voir les conférences, elle voulait des cassettes. Ça coûtait rien. Mais il y a une chose que l'être transitif ne sait pas encore, mais à un moment donné qu'il va découvrir, c'est que l'échange d'énergie est radicalement important. Vous recevez sans donner, vous allez avoir une congestion. Vous donnez sans recevoir, vous allez avoir une pénurie. Quelle que soit la chose. Alors, la personne, elle écoutait des cassettes. Elle écoutait des cassettes. Et à un moment donné, elle ne comprenait plus. Pour comprendre plus, elle écoutait une autre cassette. Elle comprenait encore moins. Elle écoutait une autre cassette. Indigestion. Elle écoutait une autre cassette. Ça n'allait plus. Et là, elle en écoutait parce qu'astralement parlant, on lui disait qu'elle va finir. Il doit avoir une réponse dans le lot, là. Non. Il y a des réponses dans le lot, mais jamais d'être capable de la comprendre. Et ça, c'est une manipulation pour vous empêcher de comprendre. Alors, la personne, à un moment donné, elle ramasse les cassettes. Elle retourne voir celui qui lui a prêté les cassettes, et puis là, elle veut jaser avec. Elle veut que l'autre lui explique. Mais les cassettes ne viennent pas de celui qui lui a prêté, ce n'est pas la source. C'est celui qui a parlé qui est la source. Et la personne qui a écouté les cassettes d'un autre ne va jamais voir la source, elle va voir l'autre. Alors, elle arrive avec les vocabulaires qu'elle a appris sur les cassettes, puis elle essaie d'expliquer à l'autre ce qu'elle a compris. L'autre essaie d'y expliquer ce qu'elle lui comprend, puis les deux s'engueulent. Et c'est fréquemment comme ça. Fréquent. Sachez une chose. Tant que l'humain s'ajuste à l'ensemble, il ne souffre pas réellement. On souffre tous, mais on ne souffre jamais individuellement. Lorsque l'humain essaie d'évoluer malgré l'ensemble, il y a des mécanismes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais que vous allez apprendre à connaître, qui vont s'allier pour tout faire en sorte que vous ne puissiez jamais évoluer malgré l'ensemble. La première expression de ces mécanismes va être vos compagnons de travail, vos enfants ou vos parents, votre famille. L'extérieur ne veut pas que vous changiez. Qui sont les personnes qui ont le plus de difficultés à accepter vos changements? Ceux que vous connaissez ou ceux qui vous connaissent ne veulent pas vous changer. Vous faites juste vous peigner différemment. Et il se passe quoi? Il se passe qu'on le remarque en masse. Faites un que vous coupez les cheveux. Tout ce qui vous change est noté et renoté par l'extérieur. Vous vous habillez différemment à un moment donné. Vous allez devoir donner des explications aux autres. Ah oui, parce que vous ne pourrez pas passer votre vie dans le monde des autres sans vous excuser auprès des autres d'être différent et sans expliquer aux autres. Parce que les autres, ils veulent comprendre. Les autres, ils ne veulent pas comprendre, ils veulent simplement que vous leur donniez des moyens de pouvoir vous prouver que vous avez tort. Pourquoi t'es rendu que tu t'habilles différemment? J'ai toujours vu qu'il y avait un veston et une cravate, là, je sais pas, là, qu'est-ce qui te prend? T'as un nouvel sexe, ça, là? T'es livre, ça, là, qui te rend de même? C'est quoi, là, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, réglé bien raide. Ou tu fais partie d'une sec, ou tu fais partie d'un livre, toi, tu fais partie de rien de ça. Non, c'est simplement que j'avais le goût de changer, tu sais. Ouais, mais j'en connais plein qui ont changé. Présentement, ils sont dans son poignet, sont sous matière ou dans des secs, là. Et... peut pas. Deux jours après, la personne rentre et elle te voit en train simplement de te laver le nez ou de faire des respirations ou de faire du jogging, ce que tu n'as jamais fait. Ben, qu'est-ce qui arrive encore, là? Tu veux dire, ça... c'est quelque chose qui va pas? Veux-tu qu'on en jase? Puis là, l'homme transitif devrait répondre, oui, il y a une affaire qui va pas. Toi, tu me nuis en maudit. Là, tu sais, j'ai rien à t'expliquer. Non, ça marche pas comme ça. Ça marchera pas comme ça. L'enfant de 12 ans qui décide de faire du yoga sans parler à ses parents. Les parents s'inquiètent en maudit. Ses parents font pas. Ils vont s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? C'est le yoga. Il y en a qui se droguent, qui font du yoga. Fait que check ben, il y en a qui, tu sais, il va dire... Oh, n'importe quoi! Tout pour le barrer! Oh, mais ça va lui servir à quoi, du yoga? C'est pour rendre ça, pis il est souple. Laisse-les donc faire. Il va même s'en rendre compte, ça sert à quelque chose ou non. Ah, jamais de la vie. La collectivité, elle est là pour vous empêcher d'avancer. Vous devez être comme tout le monde. Si tout le monde un jour se fait une coupe punk, ben on va regarder celui qui n'en a pas une, puis on va lui dire, voyons, qu'est-ce qui arrive? Puis si personne s'en fait sauf un, même chose. Qu'est-ce qui arrive? Bon, il est rendu végétarien. Hein? C'est que bien ça, là. On ne pourra plus l'inviter. Il va chialer tout le temps. Là. C'est toi qui chiale, pas l'autre. C'est ça qui arrive. Alors, quand je vous dis qu'il y a une conscience collective, une agglomération d'individus dans leur conscience, pas physiquement, qui font en sorte que l'être humain doit être normal. Normal, c'est être assujetti à la normalité, cela veut dire être comme la majorité. Si la majorité est incorrecte, C'est correct d'être incorrect. Parce que c'est correct d'être normal. Et on est normal quand on est incorrect, quand tout le monde est incorrect. Si tout le monde arrive en retard dans un cours, le prof, il chiale pas. Mais sinon, il arrive en retard, là, le prof, il chiale. Quand on tue quelqu'un sur la rue, c'est un meurtre. Quand on le tue, on appelle ça une guerre parce qu'on est 2 millions à tuer, c'est plus un meurtre. Collectivement, ça marche. Individuellement, ça marche pas. Alors, vous devez comprendre qu'effectivement, l'extérieur va tendre à vous empêcher de changer. Vous vous débarrassez de vos disques, de vos Walkman, de vos 15 Walkman. Vous décidez de plus vous promener dehors avec ça, ces oreilles. Ça fait 15 ans que vous avez ça, ces oreilles. Pendant 15 ans, vous vous êtes coupé de l'univers. Vous n'avez plus voulu entendre des oiseaux, le vent, rien. Vous voulez être connecté sur votre musique. Vous vous coupiez un sens. Des lunettes fumées en plus, couper un autre sens. De la gomme pour couper l'autre sens. Puis là, on s'en va, là. Ça ressemble à ce qu'on connaît un peu aujourd'hui, là. Bon. Couper de l'univers pour ne plus avoir à être stimulé par l'extérieur. Mais ce que l'être transitif ne sait pas, c'est que s'il n'est plus stimulé par les autres, il est stimulé par l'intérieur, parce que son intérieur est relié à la conscience de l'extérieur. Cela veut dire que dans sa tête va germer des questions qui viennent de l'extérieur, que dans sa tête va germer des goûts qui viennent de l'extérieur, que dans ses rêves, que dans son sommeil, et même dans son sommeil éveillé, dans sa tête, il va encore se faire manipuler. Pourquoi les jeunes, pourquoi la majorité, à un moment donné, des êtres transitifs finissent par apparaître débiles? Parce qu'ils veulent juste se déconnecter. Mais se déconnecter de quoi? Mais de la société! Qui c'est qui trouve débile? La société. Évidemment. La collectivité trouve toujours débile celui qui veut s'en sortir. Toujours. On regarde une personne qui a juste un bras et on lui dit « Pauvre mec, t'es handicapé. » C'est normal. Lui, il n'a pas le droit de dire « Toi, tu en as deux, toi, t'es handicapé. » Pas le droit, lui. Il n'est pas assez nombreux pour le dire. Non, c'est un fait. Quand on a une personne noire à travers un paquet de blancs, on se dit « Ben oui, mais on n'est pas raciste, il devrait se sentir bien. » Avez-vous dit, essayez-vous d'être un blanc parmi un paquet de noirs? Tous les noirs vont dire « Sens-toi pas raciste, sens-toi bien. » Non. Si la personne passe, puis personne ne la remarque, vous rentrez quelque part, personne ne vous remarque, vous êtes libre des autres. Mais si vous êtes un homme ancien, ça va vous frustrer. Personne ne m'a remarqué. Mais non, vous vouliez être collectif avec les autres. Il y a des personnes, à un moment donné, qui venaient au centre et qui avaient fait cette remarque-là. C'est drôle, mais on dirait que le monde du PMC sont snob. Il y en a un qui est assis là, l'air bête, là, dans son coin là-bas. Il y en a deux qui jasent là. Tu sais, ils viennent pas nous voir, puis ils viennent pas. C'est pas une secte. Ce n'est pas une religion. Alors, évidemment, ils sont pas là pour amasser du monde. Ils sont pas snob. Allez les voir pour jaser. Allez voir, ils sont pas snob. Allez pas être têté. Allez voir qu'ils sont snob en maudit. Mais allez jaser avec eux autres, ils sont pas snob. Mais l'être humain qui normalement vient ici, ça s'attend à ce que tous ceux qui sont habitués viennent les aider à pénétrer. Ben voyons donc, tu pénètres, tu mets un pied en avant de l'autre, tu vas... Puis si tu veux de l'information, tu vas rencontrer du monde. Ouais, mais s'il travaille pas ici, lui, ben il va te le dire. Si tu le dis pas, il est ben niaiseux, c'est tout. C'est même n'importe où. On va être collectif. L'être transitif souffre en majorité du collectivisme des autres. On essaie de le récupérer. Dernièrement, je regardais un film que j'avais trouvé... un film que j'ai jamais vu de publicité. C'est un film que j'ai loué. Très, très intéressant si on veut savoir ce qu'est un enfant nouveau. Impeccable. Veux, veux pas, l'intelligence fait en sorte que les producteurs de films, de temps en temps, ont une petite connexion inconsciente. Ils vont mettre en film une extrapolation de ce que pourrait devenir l'avenir. L'avenir sera pas comme les films. Mais c'est une tendance énergétique. Il faut juste en voir le fond, pas le reste. Et on découvre, c'est un enfant. Et à un moment donné, les parents sont en beau maudit. Ben, ils sont malheureux parce que leur enfant, quand il se lève, il fait son lit, il place sa chambre, il a quand même besoin de rien. Il réussit tout. Fait que les parents vont à une partie de baseball, et puis là, les enfants jouent du baseball, et puis là, etc. Mais leur enfant, eux, fait juste des coups de circuit. Ben oui, parce qu'il pense, ça fait plaisir à son, au monde, il fait des coups de circuit. Puis à un moment donné, chaque fois, ben là, le monde voit bien qu'il était normal. Et les parents commencent à se sentir drôlement malheureux. Et là, il y a un petit chum qui va le voir, puis il dit, tu sais, c'est que les parents, eux autres, là, ils ont besoin qu'on les fâche. Ils ont besoin de temps en temps qu'on fasse des mauvais coups, qu'on déconne. Parce que sinon, ils peuvent pas être heureux si on n'est pas niaiseux de temps en temps. Voyons donc, mais ça n'a pas d'allure. Ils sont toujours en train de dire qu'on doit faire ça, ça, ça, ça, parce que je fais tout ça, ben ils sont malheureux. Mais oui, Christy, elle se lève le matin, ta chambre est toujours faite. Alors, il y a un problème, c'est que t'es pas normal. Bon, puis vu que t'es pas normal, les parents se sentent bien mal pris parce que tous les voisins savent qu'eux autres ont un enfant anormal. Un enfant parfait ou anormal? Faudrait que tu sois un peu plus normal. Alors, c'est pas long qu'il s'en va, puis là, il fait exprès pour manquer toutes les balles. Et puis là, son père vient le voir, puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, de toute façon, je t'ai écœuré parce que je fais ça juste pour tomber l'orgueil. Ben oui, non, non! Tu devrais te forcer un peu, puis l'enfant, il répond, va te faire foutre. Puis là, il a jamais dit ça, fait que là, il s'en va. Là, la mère accourt après, puis il trouve qu'il va fort. Fait qu'il dit, OK, la prochaine fois, il m'a déconné, il m'a faire plus attention. Autrement dit, il n'a pas déconné émotivement. Il s'est amusé à faire exprès pour que ça passe. Puis là, il se dit, OK, prochaine fois, il m'a faire le fou. Prochaine fois, il m'a être en colère, il m'a faire attention. Il dit, bon, c'est ça. C'est pas accepté. L'enfant a une difficulté majeure à être ce qu'il est lui, parce qu'on le force à devenir normal. Et c'est normal parce que les parents sont normaux. Et parce que les parents sont normaux, ils doivent être des parents normaux. Ils doivent être reconnus normaux par tout le monde. Et il y a un autre problème. C'est que l'enfant nouveau va dans une école d'enfants anciens. Avec des professeurs anciens. Alors, ça crée un gros problème pour l'instant. C'est une espèce de crise d'adolescence de l'homme nouveau. L'homme transitif. Au fur et à mesure que l'humain va évoluer vers la transition, donc, il découvre les manipulations extérieures, la récupération de l'extérieur vers lui. À un moment donné, l'homme transitif, la femme ou l'enfant transitif, se demande s'il ne serait pas mieux simplement de plier bagages et de s'en aller. Quel que soit l'âge. La manipulation astrale va le forcer à se sentir coupable, à souffrir. Et mentalement, il va souffrir de se sentir coupable parce qu'il n'en voit plus l'intelligence. Au fur et à mesure que cela va aller, l'astral va lutter avec lui pour le récupérer. Alors, lorsque celui-ci arrive à être en santé, arrive à fonctionner, disons que c'est un homme, sa femme va avoir un accident. Paf! Alors, il est obligé de s'occuper de sa femme. Perte de temps et d'énergie. Si c'est la femme, ça peut être le mari qui devient malade. Parce qu'il vient un temps chez l'homme transitif où lui tel qu'il est, ne peut plus être atteint par les manipulations astrales. Cela veut dire que lorsque l'homme transitif est là, il se rapproche radicalement de l'homme nouveau. Lorsqu'il ne peut plus être malade. Lorsqu'il rentre dans sa chambre le soir et qu'il sent comme quelque chose de bizarre. Il se sent juste un peu mieux et tout ce qui est bizarre dans la chambre est plus là. Il ne peut plus le manipuler. Lorsqu'il rencontre un chien qui monte les dents, il regarde le chien et le chien s'assoit. Il reste transitif, ce n'est pas un homme nouveau. Lorsque lui ne peut plus être atteint d'accident, lorsqu'en automobile il n'a plus d'accident, lorsqu'il ne peut plus rien lui arriver, pas parce qu'il met une lumière autour de son char, non, pas parce qu'il est assujetti à des phénomènes spirituels, pas parce qu'il demande aux forces astrales involuantes de le laisser en paix par la prière, par les invocations ou par les offrandes. Parce que lui devient une autorité dans le monde des morts, dans le ciel, dans le monde de l'astral. Et lui ne peut plus être touché. Alors, on va toucher ceux qui lui sont proches. Sachez une chose, c'est que tout ce qui vous met en relation émotive avec l'extérieur est une clé pour vous bloquer dans votre évolution. Mais Daniel, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est qui manque à l'homme transitif pour atteindre un niveau de croissance exponentiel, régulier, sans heurts, sans choc, là, une vitesse de croisière? Qu'est-ce que c'est qui lui manque? Une société d'hommes transitifs ou d'hommes nouveaux. Dans la société actuelle, ce n'est pas faisable. L'homme transitif dans la société actuelle va fonctionner avec des ratés. Jusqu'à un moment donné où il sera capable d'énergiser lui-même le cadre dans lequel il va vivre et manipuler tout l'extérieur de façon à ce que ça marche rondement. Pas nécessairement manipuler contre l'extérieur, mais d'organiser tout le monde. Ma femme peut plus être malade, parce que si ma femme est malade, je connais des plans qui vont souffrir. La femme est correcte. lentement, l'homme transitif vers l'homme nouveau. L'homme nouveau va commencer à gérer l'extérieur. Pourquoi on ne peut pas? Parce que regarde simplement ceci. Toi, tu arrives à l'école, tu t'assois, tu es un jeune. Tu es en secondaire 2 ou secondaire 1, par exemple. Et puis, le professeur rentre et tu remarques que le professeur, aujourd'hui, a un problème. Le professeur, « Bon, aujourd'hui, on fait telle affaire! » Toi, tu remarques que, la semaine dernière, on a fini avec ça, puis bon, tu lèves la main, « Ouais, qu'est-ce que tu veux? » Si le professeur est bien collectif, il te parle par ton nom de famille. S'il est un peu moins collectif, il te parle par ton prénom. Alors, tu lui fais simplement signifier que là, ce qu'il nous demande de faire, là, ça va servir absolument à rien. On va rien apprendre avec ça aujourd'hui. On devrait plutôt... Bon, le professeur, s'il n'est pas, pas un être transitif ou un être nouveau, là, il va-tu t'en dire? Il va te donner un sermon. Hein? Alors, tu es obligé d'être un être transitif, un enfant qui va à l'école et qui a l'impression d'être là et de perdre son temps. Bon, qu'est-ce que tu penses de la solution qu'a essayé d'adopter Aurobindo, par exemple, avec la création d'Auroville, l'idée de communauté? Est-ce que tu penses qu'en créant une communauté particulière, un genre de micro-société, ça favoriserait cette évolution-là? Bon, si on va parler, au lieu de parler d'Auroville, on va parler du projet OFSA. Bon, l'Organisation du Village Scientifique de l'Avenir, qui est parrainée par le Centre de l'Universalité. C'est un peu similaire à ce que Aurobindo voulait faire, sauf que ce n'est pas un projet de communauté, c'est un projet de société communautaire, dans un cadre hyper moderne. Bon. Est-ce que la création, présentement, d'un village ou d'un microcosme dans lequel on pourrait... même légalement parlant, avoir la possibilité de donner, de créer une école élémentaire et secondaire, d'avoir son propre hôpital avec des médecins qui font partie de cette conscience. Enfin bref, légalement avoir ce qui est déjà demandé par la loi, sauf de réunir les personnes transitives ou nouvelles, disons transitives pour l'instant, dans toutes les réunir ensemble, créer un cadre dans lequel ils pourraient travailler et vivre. Est-ce que ça donnerait un coup de pouce royal et radical à l'homme nouveau ou à l'homme transitif ou aux enfants? Ça va de soi. Il y a un problème, c'est est-ce que la société extérieure va permettre cela? Quels vont être les problèmes fondamentaux? Qui va déterminer la consistance de chacun des individus hommes transitifs qui pourront venir dans ce village? Je vous donne un exemple. On a une personne qui est professeure de PMC et qui est drôlement solide, une femme. Présentement, elle est enceinte et elle se rend compte que le fœtus absorbe presque toute cette énergie évolutive, donc elle se fait charrier au bout d'un bord à l'autre régulièrement. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait faire dans un village? Mettons, elle serait dans ce projet, dans le village déjà. Elle devient une personne qui sort dehors, qui s'assoit avec des coussins broyés. Et là, elle a besoin, peut-être, elle voit bien l'absurdité, mais elle a l'émotion de broyer. Et l'homme transitif ou nouveau qui passe à côté, il la regarde puis elle laisse faire, parce que ça sert à rien d'aller l'instruire à rester comme ça. Mais elle, est-ce qu'elle va être capable de pas créer de problème dans ce village? Autrement dit, est-ce qu'on a présentement suffisamment d'hommes transitifs constitués un village? Et est-ce qu'on a suffisamment d'hommes transitifs, suffisamment transitivés, pour pouvoir construire un village qui aurait la faculté de rester? Le projet OFSA, c'est de créer un cadre pour permettre l'expérimentation de solutions sociétaires, de solutions sociales, éducatives, etc., pour pouvoir être transposées dans le cadre de la société actuelle. Ce n'est donc pas la création d'un village ectopique qui se ferme et qui ne veut rien savoir. Bon. Juste pour ajuster. Mais ce serait une solution si cela pourrait être faisable. Pour que cela soit faisable, tel que conçu par l'homme nouveau, cela demande suffisamment d'argent, cela demande suffisamment d'individus prêts et suffisamment d'individus individuels. Cela demande du temps, cela demande plusieurs petites choses, qui sont extrêmement grosses pour l'homme ancien, mais qui deviennent petites quand tu es un homme nouveau, mais il faut quand même les avoir. Cela demande des choses, et cela demande aussi de se poser une question, est-ce que c'est le temps? Bon, tu fais ce village, et là, il y a 200 000 têteux qui veulent rentrer dedans. Bon, il y en a qui veulent payer 20 000, 30 000, 40 000, il y en a qui gagnent à la loterie, qui gagnent 7, 8, 9, 10 millions, puis ils veulent acheter la moitié de ton village. Ça marche pas. T'as un producteur de film qui vient voir, qui dit « Merveilleux, merveilleux, good, good, good, beautiful, beautiful, j'achète. » Puis là, il va absolument me faire un film-là. Puis là, il dit simplement « Je loue toutes les maisons pour un mois, fait que je vous donne, je sais pas, moi, 500 millions, clairez-moi ça. » Là, tu fais une réunion de village, puis là, tu demandes est-ce qu'on claire ou on claire pas. Il y en a moitié qui disent oui, moitié qui disent non. Fait que là, tu te ramasses dans quel genre de village? Un village ordinaire. Une communauté ordinaire créée par l'homme ancien. Où personne ne sait exactement ce qui est intelligent. C'est intelligent, ça, on fait. Mais il va le faire ailleurs, ça, on fait. T'es pas là à faire de la propagande. Mais si ça flatte ton égo le moindrement, ben là, t'es d'accord. Puis là, tu as donné des raisons intelligentes, l'intellect va fonctionner, puis en fin de compte, on se ramasse avec le même problème. Alors, est-ce que c'est le temps? C'est sûr que l'être humain qui transite va dire « Ben oui, mais moi je serais prêt. » Et de l'ego. Si t'es prêt et t'aimerais ça, c'est que c'est pas le temps. C'est pas bon pour être dedans. Mais c'est quoi les critères d'évaluation, justement? C'est ça la question. Il y en a pas pour l'instant. Quand il y aura suffisamment d'individus qui vont simplement décider de le faire, ce sera le critère. Si moi, je décide, bon, ben alors on le fait, alors ceux qui veulent laisser le nom pour bâtir un village, etc. Et puis là, je fais ceci, je fais cela. De temps en temps, on fait des petites expositions pour informer le monde de ce genre de choses. C'est juste une espèce de on prend le pouls. Mais si on décide, moi, si je décide de vendre la salade, ça va marcher. Si je veux ramasser des dons, des choses comme ça va marcher. On va en faire un village. Sauf qu'il y aura du monde qui vont dire, moi, j'ai fait ceci, ça va être un village politique. Tu sais, moi, j'ai donné ça, moi, j'ai fait ci, moi, je le dois à ci, moi, je le dois à ça. Bon, moi, j'ai 8 enfants, je dois à plus de terrain. Puis, moi, les enfants s'en vont, mais tu gardes ton terrain pareil. Tu sais, il y a des problèmes. L'humain n'est pas nécessairement prêt. Alors, ce qu'on fait de temps en temps, on jette de petites choses. Et puis, quand il y aura suffisamment d'êtres humains qui vont dire, j'envoie l'intelligence. Si tu le fais pas, je vais le faire. Si moi, je lui dis, non, c'est pas question de ça. Penses-tu que c'est le temps? Bon, il y a un critère pour savoir si c'est le temps. Quand il y aura 300 individus prêts, seuls, à le faire, ce sera sans doute le temps. Quand le village va se faire seul, ben ça va être le temps qu'il se fasse. Mais tant que le village aura besoin d'être motivé pour être bâti, ce sera pas le temps qu'il se fasse. Parce que s'il faut motiver, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence dans la tête de ceux qui veulent le faire. Il faut les motiver. Être prêt, ça veut dire quoi? Être prêt, ça veut simplement dire être dans une intelligence suffisamment lucide et individuelle pour que si toi, tu n'as pas de motivation de personne, tu vas quand même t'arranger pour pouvoir passer par où tu as passé. Et suffisamment intelligent pour voir aussi que si tu dois motiver d'autres personnes, c'est que ce n'est pas le temps que cette chose se réalise. Et ça, être prêt. Prenons l'exemple. Est-ce que c'est le temps que vous alliez en Floride avec votre famille ou avec vos amis? Ben, c'est simple, demandez-leur la question. Il y a toi qui disent « Oh, me tente pas trop, ben... » C'est pas bien maintenant. Alors, oh, mais là, vous les encouragez, vous les motivez. Attendez-vous ce qui chiale rendu là-bas. C'est pas le temps. Si c'est les enfants qui disent, oh oui, mais c'est parce que moi, j'avais telle vue, j'avais telle gagnant, ben là, il n'y a pas trop de problème. Mais si c'est le goût qui n'y est pas, s'ils n'ont pas l'idée de le faire, ben c'est que c'est pas le temps. Et normalement, on s'organise pour faire des compromis quand on est en famille. Puis évidemment, c'est pas tout à fait parfait. C'est sûr qu'il faut faire des choses. Je fais un parallèle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas regrouper plutôt les gens autour d'une idée? Ça prendrait pas un objectif commun, peut-être, pour une direction? On ne peut pas. Si on met un objectif et on attend que l'être humain vienne tourner autour, c'est que l'objectif est l'attraction des humains. Ce sont des humains, des mouches à marde, des humains anciens que tu vas ramasser. Si tu dis simplement, il y a une solution intelligente qui devrait être appliquée et qui demande évidemment aux humains de pouvoir embarquer. Toi, tu viens me voir, ça m'intéresse. Moi, je dis, parfait, on en reparle dans 6 mois, OK? Bon, si dans 6 mois, t'es pas là, ça t'intéressait pas. Si je te dis, c'est bien parfait, et puis là, on commence, je donne tel travail, si le moindrement qu'on a besoin de motiver l'humain, ça peut pas fonctionner parce qu'il y a pas l'intelligence de la chose. Il n'y a pas l'intelligence. Alors, ça ne sert à rien de vouloir faire quelque chose, de mettre une idée. L'idée, elle est déjà là, puis elle est suffisamment là. La création d'une structure permettant l'expérimentation de nouvelles formes d'éducation médicale, d'évolution de... Bon. Tout au complet, tu as fait. Suffisamment connu. À un moment donné, m'a écrit un livre là-dessus, parce que d'ici quelques années, ça va peut-être te faire connu. Mais le livre ne sera pas écrit, projet of Star, organisation du village scientifique de l'avenir, etc. Ça va être un livre qui va simplement être une espèce de manifeste pour comment devrait être... certaines solutions qu'on pourrait appliquer des traités comme on veut. Puis si à un moment donné, dans la population, tu as créé une idée comme celle-ci, si cette solution-là est appliquée dans un espace, bon, ben, s'il y a suffisamment d'individus qui essaient de pouvoir l'appliquer, il y a des chances, faut le temps. Mais moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas bichou, je n'irai pas voir du monde pour leur dire, faut le faire, c'est bon, c'est ici, c'est ça, c'est dans tout le monde. Parce que toi et toi, il va falloir que j'ai motivé. Tous les matins, quand ils vont se lever, ils vont se demander qu'est-ce qu'ils font là. Ben, je vais le dire, ce qu'ils font là. Ils seront pas à ce point là. À un moment donné, tu vas dans un hôpital, tu vas accoucher, ton enfant, il meurt pendant la naissance. C'est la faute que c'est arrêté un vrai hôpital, c'est arrêté. Il y en a plein qui meurent d'un vrai hôpital. Et là, ça va. Parce que si t'as pas l'intelligence dans ta tête, pour pouvoir venir énergiser l'émotion dans ton cœur, ben, votre groupe, on va vient de te dire ce que tu fais. Le monde dans une église, ils ont besoin d'aller à la messe le dimanche, sinon ils finissent par oublier Dieu. Dans les partis politiques, pour faire des réunions, sinon à un moment donné, les partisans attendent. Et c'est toujours la même chose. Parce qu'ils n'ont pas l'idée. La séparation du Québec, si le Québécois l'aurait voulu, il serait séparé. Mais non, on a mis une solution qui apparaît d'un certain point de vue intelligent. Et on a essayé de la donner aux humains. Et puis les humains, ben, ils ont essayé de le prendre, mais si on n'était pas tout le temps après eux autres, ben, ils finissaient par l'oublier. On était tout le temps après eux autres, mais quand c'est venu le temps du référendum, ben là, on a mis un beau petit garçon de 6-7 ans, on a fait chanter une belle chanson, et puis là, on vantait Le Canada. C'est pas pour le nom, c'est égal. On vantait le Canada. J'ai un beau pays. Et puis là, les Québécois qui votaient oui pour la séparation, on va dire non. Ouais, pourquoi tu ça? T'as-tu le temps de se séparer? Ben, regarde-le, pas. T'as pas le temps au niveau collectif. Facile de savoir quand c'est le temps. Quand ça se fait, c'est le temps. Quand c'est le temps, t'as une virure. Quand c'est pas le temps. Alors, en attendant la micro-société, laboratoire, on peut toujours se pratiquer dans la famille. C'est aussi une micro-société, une forme de laboratoire. Pour les dans la famille, oui. Sauf que normalement, dans la famille, il y a toujours des éléments qui vont être à l'encontre. Mais si on peut revenir un peu là-dessus, parce que c'est... Enfin, les heures sont courtes. OK, André, merci beaucoup.